Bosco, Douimana. Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Nous sommes vendredi 25 février 2022. En seul grand titre, puisque nous vous proposons une édition spéciale sur le logement au Burundi. Au menu de ce journal, l'état des lieux à mairie de Bujumbura comme à l'intérieur du pays. Les avis des citadins qui pour la plupart souhaitent l'implication des pouvoirs publics dans la fixation des prix des loyers. Et dans ce journal, vous entendrez également ce qu'il en est de la politique du logement au Burundi qui est loin d'être une nouveauté et ce que préconise l'État aujourd'hui dans ce secteur. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bonjour. Dans le passé, l'État a pris les orientations de promouvoir l'habitat décent au Burundi à travers la location-vente des maisons et la construction des maisons d'habitation à louer. Pour réussir cette politique de l'habitat, il a fallu la contribution des organisations, notamment l'INSS, la SOCABU, la CIP. Par exemple, l'Institut national de sécurité sociale depuis les années 1960 a disposé de plus de 150 logements sociaux, dont 4 dans la ville de Ngozi. Même la société immobilière publique a pu aménager plus de 80 habitations au quartier Oyua de la zone urbaine de Kinindo. Le constat est que les loyers pour ces infrastructures publiques paraissent moins chers par rapport aux autres appartements aux particuliers. Certains habitants de la ville de Bujumbura se disent préoccupés par les questions de logement. Au moment où les prix du loyer ne cessent d'augmenter, ils expliquent que les propriétaires des parcelles fixent les prix comme ils veulent, alors que la mairie n'a pas augmenté l'impôt locatif. Ces habitants souhaitent que cette question de loyer soit prise en main par la mairie. Suivez ces habitants au micro baladeur de la rédaction Isanganiro. Ce n'est pas facile de se loger en ville car les prix du loyer, on ne sait pas pourquoi cette augmentation alors que la mairie n'a pas rehaussé l'impôt de location. Nous, les locataires, nous subissons chaque fois l'augmentation des prix du loyer. Je demande à la mairie de prendre en main cette question et de voir comment réguler les prix des maisons selon les constructions. En ce qui est du loyer, c'est un problème. Imaginez une maison de deux chambres et salon avec douche toilette pour 250 000 francs. Après une année, on y ajoute 50 000. Soit tu acceptes ou tu refuses. Et quand tu quittes, un autre va payer la somme que le propriétaire cherchait. La question du loyer est un véritable casse-tête pour les citoyens. Et une maison d'une chambre avec salon pour 150 000 francs, c'est difficile. Vous qui portez les voies plus loin, veuillez approcher les autorités afin qu'ils trouvent une solution à ce problème du logement. Ce n'est pas facile parce que les propriétaires de ces maisons disent que l'activité de démolir a fait qu'il y a changement dans les loyers. Même ces maisons, l'argent qu'elles ont payé n'est pas proportionnel si l'on considère leur état. Le gouvernement doit tout faire pour voir comment trouver solution. C'est incompréhensible de payer une somme de 150 000 francs burundais pour une maison qui nécessite 50 000. C'était le micro-baladeur de la rédaction Isanganiro. L'administration de la mairie de Bujumbura est appelée par les habitants de la commune Mukaza à s'activer dans la gestion des conflits liés à la location des maisons et à la réglementation de leurs prix. Dans une réunion que le maire David Bujumbura a tenue à l'endroit de la population des zones Giza, Buyenzi et Nyakabiga la semaine dernière, Jimmy Hatungimana a estimé que ces conflits doivent trouver solution au niveau de l'administration. Il a néanmoins accepté de transmettre la question de réglementation des prix des loyers aux échelons compétents. Jean Dodieu, Irakotse. Lors de cette réunion, certains habitants des zones Buiza, Buyenzi et Nyakabiga de la commune Mukaza sont revenus sur les conflits liés à la location de maisons. Celui-ci explique que son procès vient de durer 4 ans. Il réclame 14 millions. Mon procès avec les locataires vient de passer 4 ans. Ils nous doivent environ 14 millions. J'ai suivi le procès jusqu'à ce que l'ordonnance d'expulsion soit émise. Malheureusement, il y demeure jusqu'à présent et ma mère est tombée malade à cause du stress. Je voudrais vous demander de voir comment collaborer avec les responsables de la justice pour confisquer leurs biens et les faire dégager. Pour le maire de Bujumbura, cette question doit être résolue entièrement par l'administration. Ces faits ne doivent pas dégénérer, ils ne doivent pas être portés devant la justice, alors que vous pourriez régler ces affaires facilement sur place. Si le chef de quartier estime que l'affaire lui est difficile à trancher, qu'il le transmette au chef de zone. L'élu à la base, quartier 3 de la zone Bouguiza, évoque le surnombre dans une maison de location. Il parle ici d'environ 200 personnes avec une seule toilette. Il y a une maison qui abrite environ 200 locataires. L'administrateur communal est au courant et y a effectué une visite. Il y a 15 chambres et chacune n'a pris 12 personnes, ce qui fait 180. Ces personnes partagent une toilette et il n'y a pas d'eau. On avait demandé la fermeture de cette maison, mais dernièrement, on a vu son propriétaire en train de faire le raccordement à l'électricité. Face à cette situation, le maire conseille les détenteurs de maisons de location. Pour lui, la dignité humaine passe en avant. Ces locataires ont besoin de vivre dans des conditions décentes. Il faut disponibiliser tout au moins 5 latrines pour une trentaine, voire une quarantaine de locataires. L'autre requête adressée au maire concerne la réglementation des prix de location de maisons d'habitation. Celle-ci s'appuie sur d'autres secteurs réglementés, notamment le secteur café. Concernant les logements, et si je porte la question au niveau national, je plaide pour la mise en place d'un organe de réglementation des maisons d'habitation, un organe qui veillerait, à l'instar de l'Office pour le développement du café, à réguler leurs prix. Le maire de la ville de Bujumbura, Jimmy Hatungimana, a promis de transmettre cette question à l'autorité compétente. Jean de Dieu, Irakoze. La fixation des barèmes de location des maisons suivant les quartiers est très nécessaire pour réguler la hausse incessante des frais de location. Propos des locataires des maisons de la ville d'Ngozi qui disent être instables face à la hausse de tout moment du loyer. Le chef du bureau provincial au sein du ministère des Infrastructures, de l'Équipement et Logements sociaux dit que le gouvernement est déjà à l'œuvre pour trouver un remède à cette question, car selon lui, une équipe technique a été sur terrain pour identifier les sites où construire des maisons de location-vente et recueille d'autres données nécessaires. Apollinaire Mounsagara. En ville d'Ngozi, une maison à 2 chambres et salon avec douche et toilette est louée entre 100 et 120 000 francs pour seul à 3 chambres et plus pouvant loger toute une famille avec pas mal d'enfants. Le loyer tourne autour de 150 000 et 250 000 francs, voire 300 000 francs selon les cartes des habitants du chef-lieu de la province Ngozi. Car les dignes hausses du loyer des maisons aux effectifs des citadins qui ne cessent d'augmenter, et particulièrement depuis environ 15 ans, avec l'arrivée de l'université d'Ngozi et d'autres ayant leur siège dans cette province. L'autre raison évoquée est la hausse incessante des prix du matériel de construction qui pousse conséquemment les propriétaires des maisons à revoir le loyer. Parmi les remèdes proposés par les gens d'Ngozi, figure la fixation par le gouvernement des barèmes de location des maisons en fonction des quartiers. Il parle aussi de la mise en place d'une politique de promotion des logements sociaux en construisant des maisons communément dites location-vente, une politique déjà entamée par le gouvernement selon le chef de bureau provincial du ministère des Infrastructures, de l'Équipement et Logements sociaux. Deon Chamouba ainsi indique qu'une équipe technique d'identification du site à construire et chargée de diagnostiquer les premières des différents services a été déjà en cause. Ce responsable affirme que les maisons en location-vente est une des solutions durables à cette question des frais de loyer qui ne cesse d'augmenter dans cette province. Ngozi, Apollinaire Mounsagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire. Et l'Office burundais de l'habitat, une politique pour la promotion de l'habitat dans les zones urbaines du pays. C'est ce que dit Jean-Pierre Gattore, commissaire général de l'OBOA, qui explique que dans cette politique figure le projet de construction des logements sociaux ainsi que des appartements construits en hauteur. Le commissaire général de l'OBOA ajoute que même plusieurs investisseurs étrangers sont prêts à aider pour que les Burundais vivant dans des zones urbaines puissent avoir un bon logement. On l'écoute au micro de Fidel d'Antoine Sabimana. Et si ce n'est pas le cas, il y a une politique, il y a même une loi qui est en cours d'élaboration, un rapport de la viabilisation par intégration. Probablement la loi va être promulguée d'ici peu et l'on pourra agrandir les villes sans aucune difficulté. L'autre partie qui nous concerne dans la recherche de l'habitat, c'est la construction des logements sociaux. Et d'ailleurs, je profite de cette occasion qu'on a déjà lancé un communiqué dans la ville de Gitega, invitant les gens à venir massivement, bien sûr, ceux qui le désirent, pour pouvoir s'inscrire. Comme ça, on fait un montage du projet des gens qui veulent un appartement. Donc, on veut promouvoir la construction en hauteur. Ici, je vous signalerai dans ce cadre de construction de logements sociaux qu'il y a d'autres investisseurs qui viennent. Notamment, il y a une compagnie, il y a une société qu'on appelle Isil Togo. Il y a Arab Contractors, il y a la Banque mondiale qui nous a promis de la construction au moins de certains blocs pour les logements sociaux. Il y a les Hollandais, il y a les Chinois, ainsi de suite. Donc, ils sont nombreux, ils commencent à venir. L'on pense que dans des jours à venir, et l'on pourra construire beaucoup de blocs en ce qui est de logements sociaux. Jean-Pierre Gattore, commissaire général de l'Obura, qui sera l'invité de ce journal dans les dernières minutes de cette édition. Et la Banque de l'Habitat dit contribuer dans la politique de logement au Burundi, dont le financement à plus de 60% malgré le défi lié aux ressources stables. Cela est précisé par le directeur général adjoint de la BHB, qui ajoute que la politique de restructuration des crédits logement est déjà mise en exécution, passant de 18% à entre 5 à 15% selon les conventions de partenariat. Pascal Guilou-Kouichaka demande toutefois à l'État de toujours appuyer cette banque pour faciliter l'accès aux logements sociaux, comme l'exonération des matériaux de construction. Suivez-le au micro d'Ornera Mucho. Nous finançons le logement au Burundi à plus de 65%. Nous essayons de signer des accords de partenariat avec les fonctionnaires du public et du privé, liés notamment à l'épargne, logement, l'épargne en fonds de pension complémentaire, et cela les aide à accéder au logement à moindre coût. Qu'en est-il de la politique de restructuration des crédits logement? Premièrement, il y a la restructuration des crédits logement pour les partenaires en fonds de pension complémentaire, mais aussi en fonds logement. Quand on négocie les avenants sur ces conventions, nous essayons de réduire les taux d'intérêt et par conséquent, nous restructurons les crédits logements. Deuxième chose, il y a les restructurations liées au refinancement de la Banque centrale. Et pour cela, nous essayons de soumettre les dossiers qui avaient été financés à 15%. Nous les soumettons à la Banque centrale pour le financement et par conséquent, on les restructure à 8%. Les défis majeurs que l'on a à la BHB, c'est d'avoir des ressources stables, des ressources de longue durée pour financer le crédit logement qui est remboursé à long terme. Maintenant, ce que nous demandons à l'État, c'est de nous appuyer pour pouvoir accéder à ces ressources stables, et notamment en nous accompagnant. D'ailleurs, l'État a déjà commencé. Il nous aide à nous donner des parcelles pour faire un projet de logements sociaux. Mais aussi, on va demander à l'État de nous accompagner pour que nous puissions importer les matériaux de construction avec exonération. Et cela permettra à la population d'accéder facilement aux logements sociaux. Et l'autre financier du logement, c'est la Fondation pour le logement du personnel enseignant qui a déjà financé 60% des affiliés pour que ces derniers aient un habitat décent. C'est du moins ce qu'affirme l'ADG de FLE, Nungi Chimhai Evariste. Il indique que les crédits atteignent actuellement le plafond de 15 millions de francs burundais par demandeur et qu'ils sont remboursés sur base du salaire mensuel. On l'écoute. Les enseignants affiliés à la Fondation sont éparpillés dans tout le pays, sur toutes les collines de la nation. Et ceux-là qui ont choisi de faire le voyage avec nous, ils sont évalués aujourd'hui à peu près 20 000, qui cotisent régulièrement et qui constituent les garanties régulièrement et qui viennent pour demander des facilités de réalisation de leur projet de l'acquisition d'un habitat décent. Depuis que la Fondation existe jusqu'à fin 2021, nous avons déjà financé les enseignants à hauteur de 60% de nos affiliés. Ils sont aujourd'hui évalués à 11 000 enseignants déjà bénéficiaires de ces facilités. Et nous allons continuer à servir ceux qui auront toujours des projets allant dans le sens à renforcer l'objet même de la Fondation. Et aujourd'hui, les enseignants, ils sont évalués à peu près à 85 000, alors que ceux-là qui sont membres actuellement ici sont autour de 20 000 enseignants. Les financements sont dynamiques, ils sont indexés à la situation des matériaux de construction, valeur des matériaux de construction qui monte. Et là, nous suivons justement cette évolution. Et nous avons commencé à 5 millions, puis à 7, puis à 10. Aujourd'hui, nous plafonnons le financement à 15 millions. Nous avons déjà fait des acquisitions dans certaines provinces où nous voulons regrouper les enseignants, identifier les sites où la visibilité de la fondation sera effective. C'était Nongi Chimaye, Évariste, l'administrateur directeur général de la Fondation pour le logement du personnel enseignant, FLE. Et Gaspard Kouabako, qui fut ministre en charge des infrastructures et des logements sociaux, propose à l'État de construire des appartements en étage pour location ou location-vente aux habitants. Et selon lui, cela permettrait l'augmentation des logements sociaux moins chers et la réduction des conflits entre locataires et propriétaires des maisons à louer. Suivez Gaspard Kouabako au micro de l'Inibel Nibikira. La situation de l'habitat au Burundi, c'est une situation qui est un peu problématique parce que dans le temps, le gouvernement prenait l'initiative de construire pour les fonctionnaires de l'État, quelles que soient les catégories auxquelles ils appartiennent. Et ces maisons étaient données en location-vente dans des quartiers qui étaient aménagés où il y avait des logements à titre individuel, mais aussi des logements sociaux, c'est-à-dire pour les cadres moyens qui n'avaient pas assez d'argent pour se construire des maisons luxueuses. Aujourd'hui, la situation qui prévaut, c'est que l'État ne construit pas comme avant. Pour les fonctionnaires de l'État, seuls les nandis peuvent construire. Et souvent, ils achètent même des parcelles des personnes qui ne sont pas en mesure de se construire ce genre de maison. Pour se construire une maison en ville, il faut recourir au crédit bancaire. Il faut avoir des garanties. Et aujourd'hui, les gens n'ont pas suffisamment de moyens pour donner des garanties suffisantes. Voilà donc, c'est une situation assez problématique où l'État est amené à prendre ses responsabilités parce que les gens doivent continuer à être logés, à se procurer des parcelles à hauteur de leurs moyens, bien sûr. Mais il faut que l'État soit régulateur parce qu'il y a même des espaces qui sont occupés de manière anarchique. Quelqu'un qui s'est construit une maison avec un crédit, il doit pouvoir rembourser son crédit. Et comme vous le constatez, la monnaie burundaise ne cesse de perdre de sa valeur. Il doit augmenter naturellement le loyer pour qu'il puisse payer son crédit. Pendant que ceux qui occupent ces maisons, ce ne sont pas des gens qui sont nantis ou qui ont de gros salaires pour pouvoir les occuper. C'est pourquoi il y a sans cesse des augmentations des loyers. Et de ces augmentations des loyers, les locataires sont obligés souvent de déménager. Et quand ils déménagent, ils trouvent la situation de départ. Quelle est votre proposition pour que l'État puisse régler justement ces questions en rapport avec l'habitat? L'État a l'obligation d'être régulateur dans tous les secteurs de la vie, y compris le secteur de l'habitation. Ça veut dire que l'État doit faire en sorte qu'il puisse loger ses habitants. L'État doit aménager des espaces, ce qu'on appelle les HLM, les habitations à logement moyen. Et il doit privilégier surtout les constructions à hauteur pour une bonne gestion de l'espace et pour l'intérêt de plusieurs qui doivent construire en ville. Gaspard Kouabako, ancien ministre en charge des infrastructures et des logements sociaux, et la politique du logement est en cours d'élaboration, c'est ce que dit le directeur général des logements sociaux, Salvatore Nakumuliango. À la source, interview. Place maintenant à l'invité du journal, c'est le commissaire général de l'Obuha, qui est au micro de Fidèle d'Antoine Sabimana. Maître architecte Jean-Pierre Gattori, vous êtes commissaire général de l'Office burundais de l'urbanisme et de l'habitat et de la construction au Burundi en sigle. Bonjour. Bonjour. Vous êtes commissaire général. Dans vos attributions, il y a l'habitat. Quelle est la situation actuelle de l'habitat au Burundi? La situation actuelle de l'habitat au Burundi, l'Office burundais, bien sûr, qui, dans ses attributions, il y a la gestion de terres et la distribution probablement des parcelles. Donc le point est d'abord, c'est la gestion des anciens sites viabilisés où les documents n'ont pas été livrés. Si on citerait par exemple à Bujumbura, il y a le site Nyinga Busoro, Kitingwe Vihara, Kitingwe Sebatuti, il y a Gisio, il y a Nyabugeti phase 4 et phase 5. Ici c'est dans la ville de Bujumbura. À l'intérieur du pays, on peut citer par exemple Kayanza, Ngozi, précisément sur le site de Viegua, il y a Muyinga, sur le site de Mukoni. Il y a des documents qui n'étaient pas encore livrés, Pour le moment, on est en train d'accélérer à ce que les bénéficiaires de ces parcelles puissent avoir les documents à temps. L'autre point qu'il faut soulever, c'est qu'il y a un programme de restructuration des quartiers anarchiques. On est déjà sur le pied, que ce soit les quartiers de Gahari et Gatunguru. Il y a déjà des plans qui sont disponibles. Il reste la mise en œuvre. Question en rapport avec l'élaboration des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme. Ici, l'on peut citer que l'on a déjà des décrets. Le premier, c'est le décret portant délimitation de la ville de Gitega et le décret portant actualisation du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la ville de Gitega à l'horizon 2050. Pour nous, c'est une grande félicitation. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà un décret qui est en vigueur. Pour le moment, on est en train d'appliquer les clauses qui se trouvent dans ce décret-là. Aussi, ce qui concerne l'habitat au Burundi, l'Office burundais est à la recherche des terres domaniales dans les différentes provinces du pays à travers le ministère de l'Environnement. Et si ce n'est pas le cas, il y a une politique, il y a même une loi qui est en cours d'élaboration, un rapport de la viabilisation par intégration. Probablement la loi va être promulguée d'ici peu et l'on pourra agrandir les villes sans aucune difficulté. Vous avez parlé aussi des parcelles qui ont été, je dirais, noyées par la montée des eaux du lac. Effectivement, il y a certaines parties, certains sites comme Adisio, à Nyabugete Phase 4, à Gatumba, à Kinyinyaruhogo qui ont été emportés par les eaux du lac. Alors, la politique actuelle, c'est que si votre parcelle a été inondée, vous avez le plein droit d'avoir une autre parcelle. Sinon, on peut restituer les frais de viabilisation que l'intéressé a payé. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'était le commissaire général de l'Obuha, Jean-Pierre Gattore, au micro de Fidèle d'Antoine Savimana. Et c'est par là que nous bouclons cette édition spéciale. Mais pour boucler définitivement ce journal, sachez que la compétition Isanganiro Award est à la dernière étape. C'est ce que déclare le président du comité d'organisation de cet événement culturel, Aubin Niyonkuru, indique que prochainement, 10 chansons vont être annoncées et ce n'est pas plus tard que cet après-midi. Et ce sera à partir de ces dernières que va être votée la chanson qui remportera la compétition. Il appelle les mélomanes à voter pour leur chanson préférée. Suivez-le. Oui, aujourd'hui, nous sommes commençons l'étape finale de cette compétition musicale. C'est-à-dire que c'est l'annonce des 10 chansons qui vont rester dans cette compétition après avoir annoncé les 20 chansons. Donc, ces chansons étaient soumises aux experts en musique qui ont donné des notes à ces chansons pour que, justement, aujourd'hui, ça reste que les 10. C'est l'étape qui est caractérisée par des votes de la part des fans de ces artistes burundais. Et ces votes se font souvent par des réseaux sociaux ou par voie de SMS. Du côté de ces artistes, c'est qu'ils doivent commencer à mobiliser leurs fans pour que justement ils votent pour eux, ils votent pour leurs chansons. Et du côté de ces fans, à leur tour, il faut déjà commencer à songer à leur donner des notes parce que c'est bientôt qu'on va organiser donc les cérémonies pour annoncer la chanson qui aura été la première. C'était Aubin Niyonkuru, président du comité d'organisation d'Isanganiro Award cette année. Et le rendez-vous, c'est tout à l'heure, à 14h. Et l'émission spéciale passera également sur la télévision Isanganiro. Et c'est sur le 132 sur Star Time. Voilà, c'est la fin de ce journal. Il est 13h20 à Bujumbura et sur Isanganiro. Merci à François Akimana qui a repris la relève de l'autre côté de la technique. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à réaliser ce journal au micro. Jean Bosco d'Ouimana. Passez un bon après-midi.